Il arrive parfois qu'on cherche ailleurs la cause. On renie tout ce qu'on a pour si peu de choses. On s'appuie sur des chiffres, on veut tout se payer. On s'achète des griffes avec des bouts de papier. Quand le cœur est pas là, à qui donner la faute? Sans savoir trop pourquoi, on se cogne un sur l'autre. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. Il arrive parfois qu'on ne voit pas grand chose. On referme les bras, on écrase une rose. On échappe des mots qu'on regrette d'avance. On découpe au ciseau la moindre circonstance. Quand le cœur est pas là, à qui donner la faute? Sans savoir trop pourquoi, on se cogne.